me proposes de l'argent. Tu me proposes ton appartement. Tu sais bien ce dont j'ai envie. Un bisou sur ta joue, ma chérie. Tu me proposes un matelas. Tu me proposes le cinéma. Tu sais bien ce dont j'ai envie. Un bisou sur ta joue, ma chérie. Tu me proposes une marguerite. Tu me proposes même des frites. Tu sais bien ce dont j'ai envie. Un bisou sur ta joue, ma chérie. Tu me proposes la lune un peu. Mais la lune est déjà dans tes beaux yeux. Moi, tu sais bien ce dont j'ai envie. Juste un bisou sur ta joue, ma chérie.